with empty chambers, chambers, dark and vague, keeping us out of our hiding and sacred secret sunbox. During the night of stars, the sunshine and the night of night, the stars and the stars. Like down from the arch, the poet is in your shop, playing his sad song. À travers les villes ouvertes, croisées des îles désertes, rares sont les nomades. Partir ou revenir à, il y a des lieux pour ça, rares sont les nomades. Un amour en balade, combien restes en rade, rares sont les nomades, ô combien rares sont les nomades. Dans la rue des mâts, tu vus. J'ai vu tes allées venues, mais nul ne s'y dénude. As-tu vu les hommes tranquilles, leur visage immobile, quand passent les nuages après l'orage? Combien rares sont les nomades, que d'amour lasse. Rares sont les nomades. Rares sont les nomades. Pour un amour en balade, rares sont les nomades. Combien restes en rade? Tu vois bien que sans espoir, sans un coin de mémoire, rares sont les nomades. Ô combien rares sont les nomades. Rares sont les nomades. Rares sont les nomades.